C'est la jonguille, je mange du porc. C'est la jonguille, je mange du porc. Pour la jonguille, je mange du porc. C'est la jonguille, je mange du porc. Je mange du pain pour la jonguille. Je mange du pain tous les ans la jonguille. Je mange du pain. Y'a qu'à la jonguille. Je mange du pain. Cette année aussi, je mange du pain pour la jonguille. Je mange du pain. En plus c'est pas cher. 1 euro, même pas. Une baguette de pain pour la jonguille. La jonguille mange du pain.